Elle boude les nuits, les étoiles. Elle boude les cœurs qui s'emballent. Les ratons laveurs, les cervales. Elle boude l'hiver, l'univers. Elle boude le désert, les desserts. Les filles qui parlent à l'envers. Elle tire la tronche, rien ne lui plaît. Rien ne l'amuse, tout est si laid. Elle tire la tronche en liberté. Elle boude les gens qui s'embrassent. Elle boude les bras qui enlacent. Les gars qui bandent dégueulasses. Elle boude la pluie sur la nuque. Elle boude les vikings, les eunuques. Les Grecs et pourquoi pas les Turcs. Elle tire la tronche, rien ne lui plaît. Rien ne l'amuse, tout est si laid. Elle tire la tronche en liberté. Elle te boude évidemment. Elle te boude certes.